Pourquoi ? Par Charles Bérard. Cette lettre, je l'ai ramassée sur la plage du Tréport. À moitié déchirée, elle ne portait ni adresse ni signature, car le commencement et la fin manquaient. Finalement, je la transcris sans y ajouter le moindre commentaire. Enfin, nous l'avons réalisé, notre rêve, ce rêve si longtemps caressé. Nous avons revu le parterre et le palais de Fontainebleau, que nous n'avions jamais vu depuis notre naissance. Je vous écris, ma belle fiancée, pour apprendre tout de suite votre pensée à ce sujet. Nous devons nous parler dans 3 jours, mais je ne puis attendre si longtemps. Depuis qu'ensemble, nous nous sommes promenés dans les allées du Jardin Royal et le long du légendaire étang aux carpes, depuis que la grille de Maintenon au pavillon de Sully, nous avons cru retrouver, reconnaître cent endroits familiers. Un vieux banc de pierre, des arbres amis. Mon cerveau bouillonne, je ne comprends plus. J'ai peur de devenir fou. Je vais m'efforcer de mettre en ordre mes sensations fugitives. Vous les comparerez aux vôtres, ma bien chère, et peut-être parviendrons-nous à voir plus clair dans nos cœurs troublés. La première fois que je vous rencontrais, il me sembla vous connaître. Et j'aurais juré que vous vous nommiez Hélène. Moi, qui suis timide, doux et, vous l'avouerai-je, me crois bien élevé. Moi, qui déteste les insolents, qui débite des fadeurs ou des grossièretés aux inconnus, j'eus l'irréfléchi désir de vous aborder dans la rue, et d'avance, je sentais que vous ne me repousseriez pas. Pourquoi ? Je l'ignore. Mais la suite m'a donné raison. Et vous m'avez déclaré vous-même, ma toute belle, que vous aussi pensiez me connaître et auriez juré que je me nommais Georges. À la vérité, nous nous appelons, vous, Berthe, et moi, René. C'est pour tout cela, pour ces motifs incompréhensibles et qui feraient hausser les épaules à bien des gens, que j'eus l'audace de vous adresser la parole et que vous me répondîtes. Rappelez-vous notre conversation. Je vous parlais avec respect, mais sans la moindre gêne, comme on parle à une ancienne amie, et sans être le moins du monde surprise de mon langage, vous me répondiez sur le même ton. Cependant, vous me l'avez avoué plus tard, jamais vous n'eussiez écouté les propos d'un passant, si un je ne sais quoi de déjà vu n'avait chassé vos scrupules et vos craintes. Depuis que nous sommes amis, nous avons été frappés de l'identité de nos goûts, de nos sentiments, de nos idées. Tous deux, nous aimons les fragiles pastels, les meubles grêles, les porcelaines précieuses et les jolis verres du XVIIe et du XVIIIe siècle. Les Fragonards, les Lebrun, les Mignards du Louvre nous enchantèrent. Et un jour, nous sommes restés longtemps devant un tableau de la tour qu'on dirait peint avec de la poussière de fleurs. Comme à moi, les musiciens de Lancret vous rappelèrent vaguement des fêtes intimes autrefois vécues dans un parc immense, au feuillage chuchoteur, entouré de fuyantes collines poudrées d'une brume d'argent. Ce fut une impression diffuse et lointaine, aux imprécis contours, dont l'invraisemblance nous parut alors évidente, mais ne laissa pas néanmoins de fortement nous émouvoir. Vous n'aimez pas les bals d'aujourd'hui. Le corps à corps brutal, les contorsions des couples polka-valsants lassés froissent votre délicatesse. Vous, dans la marche élégante et glisseuse, un peu de la grâce noble des danses de jadis. Bien souvent, au concert, il nous est arrivé de tressaillir et de nous regarder, émus et ravis, quand l'orchestre partait sur un rythme de gavotte ou de menuet. Pourquoi ? Versailles, Sèvres, Saint-Cloud, Marly, nous adorons ces sites charmants qui furent des demeures royales. Nos parents nous y ont conduits alors que nous étions enfants. Il n'est donc pas étonnant que nous ayons trouvé peu de nouveautés dans nos visites dernières. Si presque tout nous y sembla connu, c'est que notre mémoire en avait conservé la trace en cette vie, mais il n'en est pas de même pour Fontainebleau. Nous n'y étions jamais allés, et pourtant nous avions déjà vu le château et son parc. Où, quand, je n'ose résoudre cette question subtile, tant la réponse qui m'est venue pourrait vous paraître extravagante. Nous y allâmes lundi, poussés par un mystérieux instinct, attirés par un aimant secret, sans nous douter de la surprise qui nous y attendait. La ville, banale et rococo, ne nous intéressa guère. Mais dès que nous fûmes dans le jardin de Diane, un léger malaise s'empara de nous. Je ne vous interrogeais pas alors sur vos impressions, trop absorbées par les miennes, nombreuses et confuses. Nous continuâmes notre promenade. L'allée que nous suivions longeait un vieux mur tapissé de lierre et de chèvrefeuilles en fleurs, dont les grappes violettes nous encensaient au passage. Des grands arbres, l'ombre tombait fraîche et embaumée, tandis que les feuilles, agitées par la brise, laissaient filtrer jusqu'à nous quelques rayons du brûlant soleil d'août. Ce coin enchanteur m'inquiéta. Une folle pensée m'envahit. Il me sembla que j'étais déjà venu là rêver et lire dans la solitude et le silence. D'abord, je repoussai cette invraisemblable idée qui, malgré moi, s'imposait à mon esprit. Mais ce fut bien pire quand nous arrivâmes près du jeu de pommes et que je vis l'escalier en fer à cheval. La grande cour aux pavés raboteux et ses quatre larges tapis de gazon, l'horloge de la tour carrée, la grille dorée, je reconnus ces choses. Pas tout à fait cependant. Des détails manquaient, que je ne saurais préciser. Le château ressemblait à un autre que j'avais habité ou rêvé. Il me faisait l'effet d'un ami retrouvé après une longue séparation, dont la barbe a poussé, dont le costume a changé, mais qui reste lui-même tout en étant autre. Nous visitâmes les appartements, précédés d'un gardien à gilet rouge, dont nous écoutions peu les explications. Avec plaisir, je constatai sur votre visage que l'aspect de certaines pièces vous troublait autant que moi. Je n'en fus pas surpris. Nous faisions le même songe parallèlement. Car pourrions-nous prétendre que ce fût autre chose qu'un songe? Pour ma part, je crois bien que je rêvais tout éveillé. Mais mon rêve était délicieux. Mes inquiétudes du début s'étaient évanouies. Je ne m'étonnais plus de ce que mes sentiments avaient de bizarre, d'anormal. Je ne cherchais plus à en deviner le pourquoi. Et je m'accoutumais insensiblement au surnaturel. La chapelle, le théâtre, la salle des fêtes mirent en ébullition mon imagination ou éveillèrent mes souvenirs. Souvenirs de quoi? D'une illusion, d'une hallucination, d'ombre folle. Et pourtant, à chaque pas, le palais se peuplait pour moi de gracieux et chers fantômes. La salle des gardes me parut pleine de mousquetaires rouges, veillants, l'épée nue. Des dames, des gentilshommes passèrent dans les galeries. Louis XIV se montra entouré de courtisans. Puis la vision s'évapora près d'une haute fenêtre donnant sur un jardin où soupirait, nébuleuse et vague, une ritournelle d'armide. Nous y descendîmes et, comme au jardin de Diane, je me sentis chez moi. Sous les frondaisons, nous découvrimes des mascarons de grès, cariatides grossières respectées par le temps, qui nous considérèrent amicalement. Par les lézardes des murs, du fond obscur des bosquets, mille voix s'échappaient, faibles comme des bourdonnements d'abeilles, et m'appelaient familière. Je pensais aux fêtes, carousels, ballets, concerts, aux intrigues amoureuses et politiques, aux chasses, à tout ce qui fut vécu en ce lieu. Je crus voir la Vallière s'accouder à la balustrade de marbre et jeter du pain aux carpes. Puis Molière, La Fontaine et Racine devisaient à l'écart, tandis que de tous côtés, prélats, grands seigneurs, caillettes, duchesses, officiers, laquais, pages, marquis, emplissaient les pelouses de leurs falbalas, de leurs perruques, de leurs cancans, de leur importance et de leur frivolité. C'est alors, ma reine, que nous fîmes la plus étrange rencontre de cette étrange journée. Non loin d'une fontaine tarie et encapuchonnée de mousse, une statue de nymphe dissimulée derrière un triple rang de buissons touffus sollicita notre attention. D'ailleurs, nous arrivâmes près d'elle, conduits par une force mystérieuse qui ressemblait terriblement à l'habitude et qui nous la fit découvrir dans sa cachette ignorée, envahie de ronces et d'orties. Elle n'est guère jolie, la pauvre. Son corps souple est moucheté de noir par les larmes des branches. Il lui manque le pied gauche et son nez est cassé. Elle nous reçut avec son aimable et éternel sourire. Pourquoi avez-vous rougi, ma chère, à la vue de cette nymphe? Pourquoi? Vous m'avez laissé prendre devant elle le premier baiser que vous m'ayez accordé depuis nos fiançailles. Quel trouble nous avait donc saisi tous deux? Et quelle rencontre stupéfiante, quelle coïncidence étonnante! Sur le socle de la statue dédaignée, nous déchiframes, à demi effacée, cette inscription qui nous ouvrit un monde inconnu et lâcha la bride à notre chimère. H. G. Juin 1662. H. G. Hélène, Georges. les noms que nous nous étions donnés lors de notre première entrevue. Pouvons-nous donc admettre que nous nous soyons déjà aimés à cette même place, autant des culottes et des calottes? Non, ce serait trop fou. Les lettres peuvent aussi bien signifier Henri, Gustave, Hermine, Gabriel, Gaston, Hippolyte, que sais-je encore. Il n'y a là qu'une simple coïncidence, un jeu du hasard sans aucune importance. Et cependant, tout ému, nous traversâmes la cour d'Ulysse et nous nous assîmes près d'un boulingrin où nous restâmes jusqu'à la tombée de la nuit sans parler, perdus dans nos pensées. Dans son encadrement de tilleuls taillés, le parterre étalait à nos pieds ses plates-bandes prétentieusement fleuries, gardées par des ifs immobiles et trapus. Par intervalles, nous entendions bruire le pot qui bout, dont le jet d'eau s'échevelait tourmenté par le vent. Plus loin, dressés sur l'horizon, de pâles statues surgissaient comme des spectres d'autrefois. Pris par le passé, je me persuadais que j'avais été un courtisan du roi Soleil. Oui, songeais-je, à ses côtés, je suis allé courre le cerf dans l'immense forêt qui nous entoure. J'ai coqueté et joué à l'escarpolette avec les dames sous ses ombrages. J'ai pris part aux fêtes merveilleuses qui furent données la nuit dans ce parc. J'ai applaudi Kino et Lully, et tout comme un autre, j'ai fait rimer mes billets doux par Benserad. Très haut dans le ciel, des corbeaux tournèrent en croassant puis disparurent vers la forêt assombrie. Un cor gémit du côté du canal, et ses notes mélancoliques vinrent mourir auprès de nous, grises comme le soir. Je devins triste. Pardonnez-moi cet aveu. Je crus me rappeler qu'autant que j'évoquais, vous ne m'aimâtes pas longtemps, ma chère. Et de suite, une autre vision s'empara de mon esprit. Je vis une plaine à l'herbe drue d'un vert émeraude. Des canaux la coupaient, cristallins et silencieux. Des moulins ventrus y faisaient virer leurs ailes. Puis tout devint noir, d'un noir de mort. Cette vision, je l'ai eue plusieurs fois déjà. Je ne vous en aurais jamais parlé sans les incidents de notre promenade à Fontainebleau. Mais je suis convaincu que c'est dans cette plaine que j'ai été tué. Et c'est la fin probable de ma vie de jadis, si nous en admettons la possibilité. J'ai pu y périr pour le service du roi, en la noble compagnie de Monsieur de Turenne. À la fermeture des grilles, quand nous dûmes sortir du jardin, vous vous levâtes très élégante et un peu hautaine, comme il sied à une grande dame. Ainsi qu'à l'époque du Vertugadin, vous tapotiez votre robe fourreau et moi, complètement dépaysé, je cherchais à mon côté la garde d'une épée, hélas absente. Nous rougîmes de notre distraction bien excusable, en somme. C'est alors que nous rejoignit votre maman qui bientôt sera aussi la mienne. Et nous rentrâmes sans avoir pu échanger nos pensées. Mardi, de retour à Paris, quand je me retrouvais dans mon cabinet de travail, je fus ressaisi par la réalité présente. Quand je revis mon bureau, mes livres et mon calendrier à éphémérides, dont j'arrachais machinalement une feuille, je me sentis redevenu ce que j'étais avant notre voyage à Fontainebleau. Dans 3 jours, je serai près de vous, au Tréport. Mais répondez-moi, je vous en prie, dès que vous aurez reçu ma lettre, car malgré tous mes raisonnements, je tiens à avoir votre opinion sincère sur notre aventure que je juge inexplicable, si l'on écarte l'hypothèse d'une existence antérieure. Peut-être s'agit-il simplement de réminiscences de lecture ou de coïncidences fortuites. Peut-être s'agit-il d'autre chose, et Pythagore peut avoir raison. Je ne sais pas, mais je vous avoue que je ne suis pas encore rassuré. Surtout quand je... La lettre est déchirée à cet endroit, et le reste manque. C'était « Pourquoi ?» par Charles Bérard.